السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعد حياكم الرحمن جميعا ومرحبا بكم. Nous sommes inshallah ta'ala, nous sommes le بإذن تعالى le premier Ramadan, c'est-à-dire la veillée ou la veille du premier Ramadan, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le 12 septembre 2007, ici il a cité le premier Ramadan. En fait en islam, que c'est Salat al-Maghrib, on est rentré dans quoi? Dans la nuit du nouveau jour. C'est pour ça qu'on est la veille. On est la veille du Ramadan. C'est-à-dire le Ramadan a déjà commencé de par quoi? De par sa nuit. C'est sa première nuit. C'est pour ça qu'il est de la sunna de faire les tarawih aujourd'hui. Les tarawih, on ne les commence pas demain. Mais on les commence aujourd'hui pour ceux qui demain ont le Ramadan chez eux. C'est pour ça que nous, cela fait ici maintenant à peu près 2 heures qu'on a terminé les tarawih. Alhamdoulilah. Tayyib. On va commencer inshallah ta'ala par 2 questions. Ensuite bidna ta'ala, on va faire un petit rappel avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. On a inshallah ta'ala parlé de l'essentiel, ce qu'il y a dans le siyam. On a parlé inshallah ta'ala de l'essentiel car on a résumé, on est allé vite pour rentrer dans le siyam avec ce qu'on appelle basira, avec lumière. On rentre avec lumière, on sait ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé, ce qui est haram et ce qui est licite. Alhamdoulilah. Maintenant, pour terminer, et bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, pardon à dire, mais on n'a plus le temps parce que demain, inshallah ta'ala, c'est Ramadan. Je vais poser, inshallah ta'ala, celui qui connaît la réponse lève la main, inshallah ta'ala. Tayyib. La première question, pour voir à peu près si vous avez compris, si vous suivez, etc. La première question, inshallah ta'ala, si quelqu'un, après avoir fait le rapport avec sa femme, se rappelle, après avoir fait cette chose, il apprend que cette chose est interdite. C'est-à-dire, par exemple, il parle avec son voisin, et ensuite ils arrivent à ça, ensuite il a dit, moi j'ai fait ça aujourd'hui. Son voisin lui apprend que cette chose c'est grave, et que ça demande la kafara, 2 mois, etc., etc. Est-ce que cette personne doit faire la kafara, ou bien elle est excusée? Voilà, je demande, inshallah ta'ala, aux savants et savantes qui sont dans la salle, inshallah ta'ala, de me répondre. Tayyib. Attendez, pour que ça soit clair, je vais donner presque à tout le monde, je vais enlever le pain rouge à tout le monde. Et regardez bien, celui qui dit qu'il n'a pas la kafara, il écrit 0, c'est tout. Celui qui dit que cette personne a la kafara, écrit numéro 1. Je répète, celui qui dit que cette personne n'a pas la kafara, il écrit 0. Celui qui dit qu'elle a la kafara, il écrit 1. Je répète très vite, c'est une personne qui a fait le rapport avec sa femme tout en ignorant la chose, elle ne savait pas que c'était haram. Tayyib. On commence inshallah ta'ala par Zainab. Non, c'est pas la peine, on commence par Zainab. On écrit inshallah ta'ala ce qu'il pense. Tayyib. Une seconde inshallah ta'ala. طيب نكمل إن شاء الله تعالى 0 1 والله أعلم جو سيبا 0 0 0 1 0 0 0 0 1 السلام عليكم نقاط كفارة 0 0 0 0 0 1 0 سي لوبلي الله يهديك يا زينب 0 0 0 طيب نقول لك سي الديرني اون با اوكي سلفية 1 0 1 il est obligé de la prendre direct du jeune. Non, Ibn Qayyim, mais écris-moi 0 ou 1. C'est tout, écris-moi 0 ou 1. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Non. Oumou Mariam, quelqu'un qui a fait le rapport avec sa femme, il ne savait pas que c'était haram. Après, il a su que c'est haram. Il fait la kafara. 1, il ne fait pas la kafara, 0. Taïb, je crois qu'on a terminé. Taïb. 0, 0, 0. Omriyam 0. Taïb, Abu Asya 1. Abdul Ghani 0. 1. Taïb, on va suffire. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Mazel, Alul Hadith 0. Naam. Zainab ou Mouraira dit non, c'est-à-dire 0. Taïb. Taïb. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. La kafara, ça devrait rattraper. Naam, c'est ça, il devrait rattraper. Taïb, je vais vous dire la réponse, Inch'Allah Ta'ala, et on va passer à la deuxième question. La réponse, c'est que cette personne, Inch'Allah Ta'ala, ne doit pas faire la kafara. Naam. Et la raison a été écrite par un frère ou une sœur. Naam, voilà les Zainab ou Mouraira et quelqu'un avant elle, car la kafara, pour faire la kafara, il faut trois conditions. Naam, il faudrait ne pas être ignorant ou être contraint, naam, ou ne pas oublier. Alors celui-là, il ne savait pas, il est jahel. Toute personne qui est jahel et qui fait une chose, ça soit dans le ou bien dans le n'a pas de kafara et n'a pas le hajj. Bien sûr, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim qui est dans la salle, pas l'autre Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim qui est dans la salle a dit que, parce qu'auparavant il a écrit 1, ensuite il a écrit 0, ensuite il a dit que il aura des péchés. Sah, il n'a pas de kafara, mais il a des péchés. Pourquoi il a des péchés? Pour ne pas avoir appris son din. Naam, pour être resté tout le temps en face de la télévision et dans la rue en train de rire et de ne pas avoir appris son bien. Il n'aura pas de kafara, mais il aura quoi? Il aura des péchés pour ne pas avoir appris son din, car apprendre son din est une chose obligatoire pour chaque musulman. Surtout que c'était le ramadan. C'est-à-dire que quand le ramadan arrive, je suis obligé d'apprendre toutes les règles du ramadan. Quand je veux marier, je suis obligé d'apprendre toutes les règles du mariage. Quand je vais faire le commerce, je suis obligé d'apprendre toutes les règles du commerce. Quand je veux aller au hajj, je suis obligé d'apprendre toutes les règles du hajj. Et comme ça. C'est pour ça que nous tous, on n'est pas obligé d'apprendre les règles du commerce. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de commerce. Non. Le hajj, je ne connais rien au hajj. Parce que je ne vais pas encore y aller. Mais dès que je veux y aller, ça commence, ça devient obligatoire. Taïb, la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala. Regardez, la deuxième question, je ne connaissais pas la réponse. Je ne connaissais pas la réponse parce que dans les doros que j'ai fait sur le CIEM, je n'ai pas parlé d'elle. J'ai parlé des choses qui se ressemblent. Attention, pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Non. D'après seulement, vous donnez seulement votre avis, d'après vous, venez de donner maintenant votre avis. Naam. Donc, celui qui trouvera que la réponse est juste, celui qui trouvera que la réponse est fausse, il dit Qaddar Allah ma shafa'a, de toute façon, on n'a pas appris cela. Naam. Écoutez bien la question, et je vais enlever à tout le monde le point. Celui, naam, et vous écrirez 0 et 1. Je vais vous dire quand est-ce que vous écrirez 0, quand est-ce que vous écrirez 1. Une personne. Nous sommes le dimanche, écoutez bien la question. Nous sommes le dimanche, c'est un exemple bien sûr. Nous sommes le dimanche, nous sommes au Japon. Nous sommes le dimanche, nous sommes au Japon. Naam. Il est le Maghreb. Je viens d'entendre quoi? Je viens d'entendre l'adhan du Maghreb. Je suis au Japon, il n'y a pas d'adhan, je ne sais pas. Je l'ai entendu, il y a une petite mosquée, j'ai entendu l'adhan. Al-Muhim. J'ai mangé. Après avoir mangé, j'ai pris l'avion vers les États-Unis. Naam, car ils ont yani, des horaires vraiment à l'opposé. J'arrive aux États-Unis le dimanche aussi. Le dimanche aussi, vers 10h du matin ou vers midi. Est-ce que je dois faire le siyam de cette journée ou je ne fais pas? Si vous dites je ne dois pas faire le siyam, vous écrivez 0. Si vous dites vous devez faire le siyam, vous écrivez 1. Je répète la question pour que vous ne me disiez pas ah, on n'a pas remarqué ceci à cela. Nous sommes au Japon le dimanche. Il est le Maghreb, j'ai mangé. J'ai pris l'avion, j'arrive aux États-Unis le dimanche à midi. Est-ce que je vais jeûner avec eux ou là je ne vais pas jeûner? Inch'Allah ta'ala, j'enlève les points rouges et j'attends la réponse. 0, il ne jeûne pas. 1, il jeûne. On ne parle pas du voyageur. Hein? On parle, est-ce qu'il lui est permis de jeûner ou pas? Naam, ne parlez pas du voyageur parce qu'il est voyageur. Ne parlez pas de cette chose. Dites-moi seulement s'il est obligé de jeûner ou pas. Tayyib, je crois que c'est terminé. C'est plein de 0 et de 1. Ici, c'est comme la prière en groupe. C'est-à-dire, on refait d'après Abdul Ghani. Oui, il doit jeûner en même temps que le pays. Abou Mariam, non. Il ne jeûne pas. Tayyib, c'est terminé, inshallah ta'ala. Moi, j'ai pas d'enceinte. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'enceinte. Ah, les baffes, là. On doit suivre le pays où on se trouve. Les baffes, naam. Tayyib, inshallah ta'ala, il a déjà jeûné. Muslim Alhamdulillah a dit, il a déjà jeûné. Tayyib, il ne va pas le refaire. Je vais vous donner la réponse, inshallah ta'ala. Remove al-make. Regardez. Ici, déjà en général, le zéro, c'est quelque chose de pas bien à l'école. Quand quelqu'un a zéro, c'est quelque chose de pas bien. Ici, dans la salle, quand il a zéro, ça veut dire que c'est un bon élève. Ici, dans la salle, quand il a zéro, il écrit zéro, ça veut dire que c'est un bon élève. Celui qui écrit un, celui-là, il a fait la faute. C'est tout à fait le contraire. Naam, il ne doit pas refaire le jeûne. Pourquoi? Parce que il a déjà jeûné le dimanche. Et il est arrivé un dimanche. Pourquoi il va faire deux fois le dimanche? Allah Ta'ala a écrit un seul dimanche du mois de Ramadan de la première semaine ou deuxième ou troisième ou quatrième. Il n'y a pas deux dimanches dans la semaine. Naam, c'est pour ça que il doit jeûner le lendemain quand c'est lundi. Mais dimanche, ça y est, il a déjà jeûné. Je donne un exemple pour que vous compreniez. J'ai fait la salate ici, dans ma ville. La salade du Maghreb par exemple. Ensuite, j'arrive dans une autre ville, je prends un taxi, 10 minutes après j'arrive dans la ville la plus proche, je trouve que c'est salade Maghreb. Alors que moi j'ai fait déjà salade Maghreb dans ma ville. Est-ce que je suis obligé de répéter le Maghreb? Je ne l'aurais fait pas. Sauf si je vais à la mosquée. Si je vais à la mosquée, il est interdit que je ne fasse pas. Il faut que je fasse juste pour l'unicité, etc. Mais si je vais à la maison, ou là je vais au café, je ne sais pas où je vais. Je répète pas la salade. Ma salade du Maghreb, je l'ai faite dans ma ville. Naam. Mais certains frères et sœurs ont confondu avec autre chose. Ont confondu avec, j'ai dit qu'il fallait faire le siyam avec le pays où on est, le pays où on arrive, à condition que on avait commencé le siyam dans notre pays. Voilà la différence. J'ai commencé le siyam dans mon pays. Ensuite, il est presque le Maghreb et j'ai pris l'avion, j'arrive dans l'autre pays, c'est toujours quoi? Le carême. Et c'est le même jour. C'est le même jour. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de quoi? De faire avec eux le siyam. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déjà mangé. Mais le cas où je viens de parler, j'ai déjà mangé dans mon pays. Khlas. Et c'est le même jour. Dimanche, je ne vais pas le refaire. Jazakumullahu khayran pour les réponses. Naam. On va commencer, inshallah ta'ala, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de... Comment ça s'appelle? De... Yani un petit rappel. Naam. C'est bi'idnillah ta'ala. Un petit rappel, inshallah ta'ala. Naam. Tayyib. Avant de commencer, inshallah ta'ala, je vais enlever à quelques sœurs ou à quelques frères. Tayyib, Abu Mariam. Tayyib. Deux frères et deux sœurs. Tayyib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. C'est un petit rappel, c'est tout. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni la a'lamu idha kunti anni radiyatan wa idha kunti anni ghadba. Amma idha kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wa idha kunti aliya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Hadith sahih 2490. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il parlait avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: je connais très bien lorsque tu es énervé contre moi et lorsque tu es, disons, ravi de moi. Elle a dit: comment tu sais? Il a dit: si tu es ravi de moi, il a dit: quand tu es ravi de moi, quand tu jures par Allah, qu'est-ce que tu dis? Tu dis: non, Warbi Ibrahim. Par exemple, je te dis: n'as-tu pas vu cette chose? Tu dis: non, par le Seigneur d'Ibrahim, je ne l'ai pas vu. Au lieu de dire par Allah, je peux dire par le Seigneur d'Ibrahim. Le Seigneur d'Ibrahim, c'est Allah. Et il a dit: lorsque tu es énervé contre moi ou la courroucé, et je te dis par exemple: as-tu vu telle chose? Tu as dit non, tu diras non par le... Pardon. Je répète, je me suis trompé. Il a dit: quand tu es ravi de moi, quand tu jures, tu dis non par le Seigneur de Mohammed. Par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es énervé contre moi, si tu jures, tu dis par le Seigneur de Ibrahim. C'est-à-dire que tu évites de quoi? De citer mon prénom. Naam. Et c'est elle qui a dit, bien sûr, elle a dit: Sah ya Rasulallah, sahih. Je n'évite que ton prénom. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'évite que ton prénom? Ça veut dire que même si je suis énervé contre toi, je n'évite que ton prénom et je ne t'évite pas toi. Je ne fais pas comme certaines femmes et je vais me coucher dans l'autre chambre. Mais je me couche aussi avec toi, mais j'évite seulement de t'appeler par ton prénom et de citer ton prénom. Car quand quelqu'un est énervé, il n'aimerait pas citer la personne. Naam. Il n'aime pas citer son prénom. Naam. Subhanallah al-Azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas à lui qu'on peut ruser de cette façon. C'est pas avec lui. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, yani, masha'Allah, le basir à la lumière. Il remarque pourquoi, quand elle jure, elle dit: je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Subhanallah al-Azim. Pourquoi elle jure pas par le Seigneur de Muhammad? Alors que tout le monde sait que je suis le meilleur des messagers. Alors il a su que c'était parce que elle était énervée. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2493, hadith sahih 2494. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des fois je me lève pour faire la salat, c'est-à-dire en groupe dans la mosquée, avec l'intention de la faire un peu longue. Naam. Il a dit: ensuite, yani, j'entends les pleurs des enfants, alors yani, je raccourcis un peu ma salat. Pourquoi? Pour yani, compatir avec sa mère. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans la salat, il sent, subhanallah al-Azim, que lorsqu'il entend cet enfant en train de pleurer, il sent que sa mère est en train de quoi? Est en train, yani, de souffrir à cause de lui. Naam, sa mère qui est dans la salat, elle aurait voulu par exemple que yani, la salat se termine assez vite pour qu'elle l'allait ou peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait cet enfant. Naam, il a dit mais, naam, yani, comme j'ai dit une fois, c'est yani, respecter les sentiments des autres. Respecter les sentiments des autres. Et pour respecter les sentiments des autres, il faut vraiment être yani, très intelligent. Pour remarquer que cette personne, par exemple, souffre, etc. Il y a des gens qui ne remarqueraient jamais ces choses. Il te dit des mots qui te font vraiment mal et il ne remarque même pas. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un cœur très, très, comment je ne veux pas dire seulement pieux, mais très, qu'on pouvait toucher facilement. Qu'on pouvait toucher facilement. C'est pour ça la moindre des choses, le toucher. Et j'avais dit dans ce hadith, bien sûr, que c'était un hadith qui brise le dos des mubtadi'a. Il était très sensible, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très, très sensible, un cœur très sensible. Naam. Le prophète, je disais que ce hadith casse le dos des mubtadi'a qui disent qu'il est interdit de faire entrer les enfants dans la mosquée. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la fille de sa fille. Sa fille qui s'appelle Zainab et sa fille Umama. Il prenait la fille de la fille, la fille de sa fille, il la mettait, subhanallah al-azim, sur son cou, une jambe à droite, une jambe à gauche, il la prenait comme ça par les mains, et il faisait la prière, c'est pas surérogatoire, obligatoire. Il faisait la prière obligatoire en la prenant sur son cou, subhanallah al-azim. Et quand il s'inclinait, il la déposait, sinon bien sûr elle va tomber. Ensuite, il fait le soujoud. Ensuite, il la reprend, il se lève. Naam. Si j'avais une petite fille, je la prendrais et j'irais faire la mosquée, j'irais faire la prière en la prenant sur quoi? En la prenant sur mes deux épaules. C'est sûr que ce jour-là, je serais radié de quoi? Des affaires étrangères. Peut-être que le ministère connaît ces choses, mais ce sont les djouhels qui sont derrière toi qui vont te faire la fitna. Naam, ce sont les djouhels qui sont derrière toi qui vont te faire la fitna. Comme j'avais un ami ici, un égyptien, Masha'Allah, hasabu kadhalik wa law zakki Allah ahadan. Il était, Masha'Allah, salaf salah, il aimait la sunna. Une fois, en faisant salat al-dhahr, il a lu à haute voix quelques versets. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait quelques versets à voix haute pendant les prières de quoi? Les prières obligatoires du dhahr et du asr. Et je vous l'ai dit une fois, et Abu Bakr Siddiq aussi l'a fait, radiyallahu ta'ala anhu. Al-Muhim, ceux qui étaient derrière lui, les Juhal, naam, ont fait une grande fitna. On n'a jamais entendu cela. Bien sûr, ils ont dit comme ça. Et ils ont fait une plainte contre lui au ministère. Et comme le ministère ici, alhamdoulilah, c'est yani, des gens qui ont plus ou moins de science. Donc, mon ami leur a montré le livre de... Je ne sais pas quel livre, car cette chose se trouve dans Fath al-Bari. Je crois qu'il leur a montré Fath al-Bari. Et bien sûr, ils y ont été convaincus. Mais ils lui ont dit, de préférence, ne fais pas cette chose avec les djouhans derrière toi. Naam. Donc, pourquoi vous, à la maison, vous ne faites pas cette chose? Vous n'allez pas me dire, il y a des djouhans à la maison. À la maison, aucune personne de vous, ni un homme, ni une femme, ne prend par exemple son petit garçon ou bien sa petite fille, elle la met sur ses épaules et elle fait la prière avec elle. Naam. Ou alors pourquoi, lorsqu'on est prosterné, on ne laisse pas le petit enfant, yani, nous prendre comme monture et monter sur notre dos. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait plusieurs fois avec Al-Hassan ou Al-Hussein. Il le faisait même dans la mosquée, subhanallah, dans la prière obligatoire. Dans la prière obligatoire, il laissait monter sur lui, ou bien Al-Hassan, ou bien le Hussein, subhanallah al-azim, comme c'est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait tellement d'importance à ces choses et aux hommes que des fois, une fois pardon, il est descendu du mimbar, subhanallah al-azim, le prêche du Jumu'ah, où c'est interdit de parler, interdit de ceci, cela. Il était en train de faire le prêche quand il a vu Al-Hassan ou Al-Hussein, bien sûr qu'ils ne sont pas des jumeaux, habillés en rouge et rentrés dans la mosquée. Il a coupé le prêche il est descendu, il les a enlacés, pris dans les bras, il est monté sur le minbar, il a continué le prêche et il a dit Sadaq Allah wa Rasuluh. Allah Ta'ala est véridique et son prophète. Naam, innama awladukum amwalukum wa awladukum fitna. Il a dit, comme a dit Allah Ta'ala, vos biens et vos enfants sont des fitna. Ensuite, il a dit, j'ai vu ces deux-là, yani rentrer dans la mosquée, j'ai pas pu, yani me retenir jusqu'à ce que je sois descendu pour les prendre entre mes bras. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam. Tayyib, autre chose. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2503 hadith sahih. Naam, jazakallahu khair pour le numéro 1. طيب, qu'est-ce qu'il a dit? Inni lam u'mar. Naam, an unaqiba ala qulubin nas wa la ashqa butunahum. Pourquoi il a dit ça? D'abord, c'est quoi ça? Il a dit, je Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas ordonné, naam, que yani j'espionne qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens, et il m'a pas aussi ordonné d'ouvrir leur cœur. Naam, je vais ouvrir leur ventre pour voir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Il a dit ça, Allah ta'ala ne m'a pas dit de le faire. Pourquoi? Parce que il y avait une petite comment ça s'appelle ça, disons il y a un combat, une guerre, la guerre sainte, naam. Il y avait une rezwa, ce qu'on appelle une rezwa, une bataille, naam. Ensuite, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de s'entretuer avec les koufars, il a tué je ne sais pas combien, quel nombre. Ensuite, l'un des koufars, quand ce compagnon a pris l'épée pour le tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a tué, naam. Ensuite, bien sûr, il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup énervé, s'est courroucé. Il a dit Allah l'adim, ni tu as accepté ce qu'il a dit, ni tu as ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère. Naam, les deux choses tu l'as pas faites. D'un côté, tu n'as pas accepté la ilaha illallah qu'il a dit. Tu as dit, il a dit cette chose parce qu'il avait peur de mourir, c'est tout. Et de l'autre côté, tu n'as pas pu voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. Si au moins tu étais capable de voir dans ce qu'il y a dans le cœur, tu aurais alors eu des excuses. Tu as vu dans son cœur qu'il a dit cette phrase seulement par peur. Il l'a pas dite par sincérité. Mets-toi le problème. Ni tu as accepté ce qu'il a dit, ni tu sais ce qu'il y a dans les cœurs. Ensuite, il a dit cette phrase, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas ordonné, naam, de voir qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, d'espionner, ou bien d'ouvrir les ventres des gens. Naam. Et, ça me rappelle un autre hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, que une personne, je crois que c'est la même personne, naam, si je ne me trompe pas, c'est la même personne, j'ai lu ça dans un autre livre, pardon, c'est le même hadith, seulement c'est une version, une autre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la version, bien sûr, est sahih, elle se trouve aussi dans Sahih al-Jama. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième version? La personne qui a été morte, naam, la personne qui est morte, des compagnons ont dit, alors on a pris la personne pour l'enterrer. Naam, on enterre les kuffars. Même le kafir, on ne laisse pas comme ça jeter. Il va, par la ladim, il va donner une odeur, il va donner des maladies, etc. Naam. S'il y a les kuffars qui vont l'enterrer, l'enterre. Sinon, bien sûr, c'est nous qui allons l'enterrer dans notre intérêt. Naam, dans notre intérêt. Voyez, il a dit la personne qui a dit la ilaha illallah et qui a été tuée. Naam. Il a dit, on l'a enterré. Et le lendemain, subhanallah al-adim, on l'a trouvé sur le sol. C'est-à-dire, la terre l'a jeté et on l'a trouvé sur le sol. On a dit, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc des gens ont sûrement creusé la tombe pour le faire sortir. Vous savez, il y a des gens qui creusent des tombes spécialement pour voler, qu'est-ce qu'il y a sur le mort. Car les chrétiens, par exemple, et je crois les juifs aussi, les pharaons aussi d'Égypte, quand ils enterrent quelqu'un, ils l'enterrent avec les bijoux. Avec les bijoux. Naam. Ils vont dire comme ça, il viendra le jour du jugement dernier, il viendra avec ses bijoux, il trouvera toutes ces choses dans le paradis. En plus. Masha'Allah, naam. Alors c'est un grand butin pour le voleur. Le voleur qui va creuser la tombe, là, il va sortir des bracelets, des chaînes, des ceci. C'est un bon travail. El Mohim. Alors ils ont dit sûrement, on a dû creuser la tombe et le faire sortir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à certains enfants, peut-être qu'ils leur ont, ils ont payé ou là ils leur ont donné des bonbons, je ne sais pas. Ils leur ont dit, vous allez passer la nuit ici à le surveiller. Les enfants ont surveillé. Ensuite, les gens sont venus le matin. Les compagnons, ils ont trouvé la personne âgée ou encore sortie de la terre. Alors que les compagnons, avant, le premier jour quand ils l'ont trouvé sur la terre, ils l'ont enterré une deuxième fois et ils ont demandé aux enfants de surveiller, bien sûr. Alors quand ils sont revenus le deuxième jour, barakallahu fik pour le 1, ils ont trouvé encore l'homme, subhanallah al-azim, sur le sol. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, alors ce sont les enfants, les garçons qu'on a payés, ils se sont endormis. Bien sûr, ce sont des enfants, ils sont endormis. Alors, ils ont dit, c'est nous qui allons surveiller cette fois. Attendez, on va l'enterrer et on va surveiller. Ils l'ont enterré, ils l'ont surveillé, et voilà que, dès qu'il a commencé à faire un peu jour, avancer, ils sont sortis des buissons, ils ont trouvé la personne sur, mashallah, sortie de la terre, et au-dessus, yani, de la terre. Subhanallah al-Azim. Ils ont raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مِنْ هُوَ شَرٌ مِنْ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ لَا إِلَهَ اللَّهِ. Il a dit, écoutez, la terre accepte plus criminel que celui-là. شر. Elle accepte quelqu'un de plus mal, qui fait plus de mal que celui-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu vous montrer يعني, quelle est la valeur de la ilaha illallah. Naam. Quelle est la valeur de la ilaha illallah. La terre ne l'a pas accepté. Elle dit non, cette personne, je ne l'accepte pas. Naam. Dolmen. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est pour voir يعني, quelle est la valeur de la ilaha illallah. Maintenant, barakallahu fikum, comparez naam, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui? Comparez avec les khawarij et les takfiriyins de nos jours, qui, hein, deux trois mots, il te dit kafir, tahout, tu n'as pas rejeté le tahout, tu es kafir, subhanallah al-azim. Et s'il disait de nous kafir, ça ne fait rien, nous on n'est rien, peut-être qu'on est des kuffars, Allahu alam, astaghfirullah. Mais il dit cela des grands ulama, les montants de science, kafir, l'Albani kafir, Ibn Baz kafir, Naam, Ibn Uthaymin, kafir. Masha'Allah, qui n'est pas kafir? Seulement eux. Masha'Allah, eux seulement, ils ne sont pas des kuffars. Naam. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Allah yahdihum. Et, de toute façon, Allah Ta'ala les a guidés, c'est eux qui ne veulent pas. Mais, ils verront, le jour où ils rencontreront Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils verront pour avoir fait kuffar toute cette nation. Naam, ils verront qu'est-ce qui les attend ce jour-là. Tayyib. Autre chose, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la usafihu nisa'a. 2513. Pardon, barakallahu fikum, donnez-moi une minute. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. في صوت نعم le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne tombe pas ma main aux femmes. C'est comme par exemple pour dire salam alaykum. Naam, beaucoup de gens quand ils rencontrent les femmes par exemple, ils, comment vous dites ça en français, yani, ils se tendent la main, ils disent salam alaykum, ils disent bonjour, ils disent bonsoir, et comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je ne fais pas cette chose. Naam. Et dans un autre hadith sahih, il a dit, si quelqu'un de vous, on le frapperait avec une aiguille, pas la petite aiguille avec laquelle on coud, la grande aiguille avec laquelle on fait les matelas, etc. La grande aiguille qui fait à peu près 20 ou 30 cm. Il a dit, si quelqu'un se frapperait ou bien on le frappait avec cette aiguille-là, et il y aura du sang, bien sûr, beaucoup de sang qui va commencer à sortir de sa tête. Il a dit, c'est mieux que de toucher une femme qui lui est étrangère. C'est mieux que de toucher une femme qui lui est étrangère. Et beaucoup de personnes se plaignent quand ils vont chez leur famille. Ou bien chez la famille de la femme. Ou bien la femme quand elle va chez la famille de l'homme. Il y a son beau-frère, etc., qui vient lui toucher la main parce qu'il ne pratique pas ou il ne connaît pas cette chose. Et là, c'est le rôle de qui? C'est le rôle de l'époux et de l'épouse. L'épouse, c'est elle qui dit, parce que ce sont ses parents. L'épouse, elle n'a pas honte de sa mère et de ses sœurs. Elle dit, attention, mon mari ne touche pas la main. Et elle dit à ses tantes, attention, mon mari ne touche pas la main. Et le contraire est valable. Et lui, quand il l'emmène chez ses parents à lui, c'est lui qui doit faire ce boulot. C'est lui qui dit à son père, à ceci, excusez-moi, ma mère, excusez-moi, ma femme, yani, ne touche pas la main. Bon, ils vont rire, ils vont s'énerver, tout ça, c'est pas très intéressant. C'est pas, l'essentiel c'est quoi? C'est pas très important. L'essentiel c'est que elle va pas toucher la main, et certaines personnes, bien sûr, quand elles se lèvent, par exemple, pour te toucher la main, ici, par exemple, tu lui dis, je touche pas la main ou quelque chose comme ça, elle croit que, donc, tu voudrais être embrassé. Elle saute sur toi et elle t'embrasse sur les joues. Ça arrive à plusieurs personnes. Quand il dit non, l'autre, elle dit, c'est comme mon fils, je l'ai élevé maintenant. Alors elle dit, sûrement, il veut que je l'embrasse sur les joues. Donc, ce travail, ce sont yani, les époux qui cèdent pour que quand ils vont chez la famille, yani, ils trouvent, inshallah ta'ala, la chose déjà, alhamdoulilah, préparée. La chose déjà préparée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est bon, le numéro 2525, il a dit, en parlant de Ahlul Jannah, en parlant des gens du paradis. Qu'est-ce qu'il y a au paradis, comment sont-ils, etc. Personne ne peut savoir cette chose si elle ne vient pas d'Allah ou d'un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Les gens du paradis, Jordan, Mordon, Kuhlun, La Yifna, Shababuhum, Wala Tubla, Thiyabuhum. Qu'est-ce que ça veut dire Jordan? J'ai oublié, subhanallah al-azim, j'ai oublié que ça veut dire Jordan. Tayyib, mais je vais voir très vite. Ensuite, il a dit, ou là, attendez une seconde avant que je n'explique les trois, il faut que je vois qu'est-ce que ça veut dire Jordan. Ils n'ont pas quoi? Ah, pardon, j'ai trouvé, Attendez, ils n'ont quoi? Ils n'ont pas quoi? Non. Jordan, ils n'ont pas de poils. Non. C'est pour ça qu'il a dit aussi Mordon ou bien Maradon. Mais le plus, ce qui me paraît le plus juste, c'est Mordon, parce qu'ensuite il a dit Kuhlun. Ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de barbe, etc. Même les hommes. Ensuite, il a dit Kuhlun. Les yeux, les yeux noirs, très très noirs, comme quelqu'un qui a mis le kuhl sur dans ses yeux. Plus on a des grands yeux, plus on met le kuhl, plus on paraît plus beau. Tout le monde sait cela. La yifna shababuhum. Leur jeunesse, yani, n'a pas de fin. On ne devient pas vieux au paradis. Il n'y a pas le vieux au paradis. Wala tubla thiyabuhum. Leurs vêtements ne deviennent jamais délabrés. Et ne se déchirent jamais. C'est des vêtements spéciaux, bien sûr, des vêtements, je sais pas, en or, en ceci, en soie. Et vous vous rappelez que je vous ai dit une fois qu'il y avait un arbre dans le paradis qui s'appelle Toba. L'arbre dont il faudrait 100 ans pour traverser son ombre pour son ombre. Cet arbre, naam, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les habits du paradis. C'est de cet arbre que quelqu'un, quand il veut par exemple changer les habits, il va dans cet arbre, bien sûr, et il prend les habits. Les habits, disons, naissent, ou bien sont créés à partir de cet arbre. Un arbre, qu'est-ce qu'il donne normalement? Un arbre, il donne des fruits, des pommes, des pêches. Celui-là, il donne des habits. Il s'appelle Toba. Il donne des habits. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, أَوَا أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ أَوَا أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ 1534, hadith sahih. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maison, ensuite il y a quelqu'un qui est venu le voir. Quelqu'un, je crois de la compagne, qui est venu le voir. Ensuite, quand il discutait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de temps en temps d'embrasser le Hassan ou le Hussein qui sont rentrés chez lui. L'homme, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser le Hassan ou bien le Hussein, ou bien il a dit, ah bon, vous faites cela? Vous embrassez vos enfants? Moi, j'en ai 10. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Il croyait bien sûr que c'était quelque chose de mashallah ce qu'il disait. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être content de lui. Ah, mashallah, tu en as 10. Tu les as jamais embrassés. Mashallah alik. Peut-être qu'il attendait cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ. Qu'est-ce que je peux te faire? C'est Allah et la douceur de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu es une personne que Allah Ta'ala lui a enlevé la douceur du cœur. Tu peux rien te faire. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ravi de ce qu'il a dit. Bien au contraire, c'est yani, une sorte de colère ici. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux te faire si tu, Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé la rahma et la douceur de ton cœur. Donc celui qui croit que en s'éloignant de ses enfants et en ne pas jouant avec eux, en ne pas être doux avec eux, que c'est ça l'islam, on lui dira que ça c'est exactement l'opposé de l'islam. C'est exactement l'opposé de l'islam. Naam, ça c'est quoi? C'est lié à ça. Au temps de la djihadie des kofars peut-être naam. Comme il enterrait une fille, si elle est... Donc la rahma, la douceur, joue avec les enfants. Et j'ai dit tout à l'heure ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants, dans la salat, etc. D'ailleurs même, il est de la sunna, quand quelqu'un sort de la maison, homme ou femme bien sûr, quand il rencontre des enfants, il leur dit salam wa alaykum, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourvu que ça soit quelqu'un qui comprenne le salam. Naam, quelqu'un... Un enfant, si tu lui dis salam, il comprend ce que c'est. Alors il est de la sunna, si tu le rencontres, de lui dire salam alaykoum. Et de ne pas dire, celui-là, c'est un enfant. Laisse tomber, c'est un enfant. L'enfant, tu lui dis salam alaykoum et tu as des ajr. Pourquoi des ajr? Premièrement, salam, c'est l'un des noms d'Allah. Tu as cité le nom d'Allah, cité le nom d'Allah. Train que voilà contre Mashahid Islam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, tu vas être salamu alaykum wa rahmatullah. Désolé pour la déconnexion, et jazakallahu khair celui qui m'a envoyé le message. Pouvez-vous me dire dans quel hadith j'étais? Le hadith qui parlait de quoi? Tayyib, je parlais du hadith qui expliquait quoi? Je parlais de celui qui a dit que je n'ai jamais embrassé mes enfants, ou bien je parlais du hadith où il est dit il faut avoir honte et être pudique devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel hadith vous entendiez? Celui de la honte ou bien des enfants? نعم. Quel hadith, inshallah ta'ala, vous entendiez? Peut-être il y a un décalage pour moi, je ne vois rien encore dans la salle. Des enfants. Donc, j'avais, inshallah ta'ala, terminé ce hadith. Peut-être je ne sais pas exactement où je suis arrivé avec les enfants, mais en islam, yani, on nous apprend à être très doux avec les enfants. Et j'ai dit comment que dans la salat, on les laissait sur nos épaules, etc. Bien sûr, on ne les laisse pas nous couper la salat. On ne les laisse pas, yani, couper, passer entre nous et la sutra. Et j'ai dit que dans la sunna, qu'on soit homme ou femme, quand on sort dans la rue, on rencontre des enfants, on leur dit salam wa alaykoum. On leur dit salam wa alaykoum, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrait des enfants, il leur disait salam wa alaykoum. Et quand on dit à un enfant, pourvu que cet enfant ait yani, assez de raisons pour qu'il comprenne, que ça veut dire salam alaykoum. S'il comprend pas, yani, il est à très bas âge, tu ne laisses pas la peine de lui dire. Le j'ai dit que quand on dit, même à un enfant, on lui dit salam alaykoum, premièrement, on a cité le nom, l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses. L'un des noms d'Allah ta'ala, c'est quoi? Salam. Salam, il s'appelle aussi le mu'min, il s'appelle le Quddus. Salam. Deuxièmement, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai propagé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui me passe, il me voit en train de dire salam aux enfants. Il va comprendre que c'est l'islam, c'est l'un yani, des préceptes de l'islam. Et troisièmement, ça va faire quelque chose au garçon du fait que il va se sentir, il va dire subhanallah al-azim, mashallah. Déjà à mon âge comme ça, et cette personne a 50 ans où elle m'a dit salam alaikum, qui suis-je subhanallah al-azim, mashallah l'islam, mashallah l'islam. On me dit salam alaikum, alors que je passe devant d'autres gens. Il m'insulte, il me frappe, masha'Allah l'islam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2000, naam, 2541. C'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la nasiha, un conseil à quelqu'un. Ou bien, il est en train de yani, lui dire quelque chose. Il lui a dit أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette personne? Il a dit, je te conseille. Ou bien disons, je t'exhorte. Ou bien je préconise que tu fasses quoi? Que tu aies honte d'Allah ta'ala. C'est-à-dire que tu sois pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu as honte d'une personne vertueuse de ta tribu. Naam. Je te demande, je t'exhorte à ce que tu sois pudique. Tu as honte devant Allah subhanahu wa ta'ala comme tu as honte devant une personne vertueuse de ta tribu. Pourquoi il a dit une personne vertueuse? Est-ce que moi, par exemple, si je fumais des cigarettes, si j'étais par exemple un frère et je fumais la cigarette, par exemple, ou là une personne Adi, une personne normale, musulmane qui fume la cigarette. Est-ce que, si je vois une personne normale devant moi, est-ce que je vais me cacher? Je vais cacher la cigarette? Je la cache pas. Imagine maintenant que je vois une personne, mashallah, pieuse, vertueuse, que je connais. Est-ce que je vais rester avec la cigarette? Dès que je vois la personne, je jette ma cigarette de loin. Imagine par exemple que quelqu'un fume. Naam, quelqu'un fume. Masha'Allah. Ensuite, par exemple, il va rentrer pour poser une question à Sheikh Al-Albani, Allah yarhamou, ou à Sheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Est-ce qu'il peut rentrer avec la cigarette dans sa main, dans sa bouche? Jamais. Naam. Mais est-ce qu'il reste avec sa cigarette s'il va rentrer chez un soulard? Naam, il va rentrer avec sa cigarette. Mais devant une personne vertueuse, on a honte. Naam, on a honte. On jette la cigarette. Naam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, il nous dit, comme devant la personne vertueuse, tu deviens pudique, alors yani, il faudrait devenir pudique vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Beaucoup de femmes par exemple ne sont pas voilées, mais si elles ont par exemple un rendez-vous avec un alim pour lui poser une question, elle n'est pas folle de rentrer comme ça avec les cheveux découverts et avec un body ou là je ne sais pas quoi et mini-jupe. Elle n'est pas folle de rentrer comme ça chez un alim. Elle va vite demander le hijab de la voisine et mettre un foulard sur la tête et rentrer chez le alim en disant subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, wa kada, na'am, subhanallah l'azim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi vous ne faites pas ça avec Allah, Allah ta'ala qui est omniscient et omniprésent et te voit tout le temps? Pourquoi tu n'as pas honte de lui et tu as honte des autres personnes? Na'am. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous pousse et nous exhorte afin que on doit d'abord être pudique devant Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, avant de l'être devant les gens. Et ici cela ne veut pas dire que si on n'est pas pudique devant Allah, alors on ne va pas être aussi pudique devant les personnes vertueuses. Non, c'est pas ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a seulement voulu dire: puisque tu es pudique devant les personnes vertueuses, alors ne vas-tu pas faire des efforts devant Allah? Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2057, hadith bon, Hassan, il a dit: Awliya'ullahi ta'ala alladhina idha ru'u dhukirallahu ta'ala. Je répète: Awliya'ullahi ta'ala alladhina idha ru'u dhukirallahu ta'ala. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Awliya'ullah. Vous savez c'est qui Awliya'ullah? Awliya'ullah, c'est-à-dire quelqu'un qui a, masha'Allah, yani, qui a atteint un certain niveau de piété et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on dit de lui en arabe, on dit wali, waliullah. Naam, waliullah. Les pluriels awliya, awliya, disons les alliés d'Allah ou quelque chose comme ça. Al-awliya adou, ils ont toujours existé et ils resteront jusqu'à la fin du monde. Mais le problème, c'est comment savoir et définir que c'est cette personne qui est vraiment un wali ou bien l'autre personne. Maintenant, chez la plupart des gens, le wali c'est qui? C'est quelqu'un qui est enterré quelque part, je ne sais pas où, et bon, je ne sais pas où, moi je ne sais pas, mais les gens connaissent, ils disent cette tombe c'est la tombe d'un wali, etc. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller devant la tombe pour yani demander à cette personne qui est morte de yani faire quelque chose pour qu'elle ait des enfants, car voilà, 10 ans de mariage, elle n'a pas d'enfants. Donc elle va acheter des œufs, elle va acheter du henné, elle va acheter du parfum, elle va là-bas tourner autour de la tombe ou bien faire 2 rak'at devant la tombe. Naam, et tu dis pourquoi tu fais ça? Ça c'est pas le grand shirk. Elle te dit n'oublie pas, cette personne c'est un wali. Naam, c'est un wali d'Allah. Ah, c'est un wali. Donc Allah Ta'ala ne me donne pas le bébé et le wali va me donner. Donc celui-là il est masha'Allah, celui-là yani Allah Ta'ala 10 ans ne m'a pas donné de bébé. Et cette personne qui est morte, qui maintenant je peux, pardon du mot, mais c'est pas moi qui vais le dire, si maintenant cette personne, un chien peut venir et uriner sur cette tombe. Moi quand je parle, le chien peut-être il va venir, il va uriner sur la tombe. Alors que cette personne qui est à l'intérieur ne peut rien faire, ne peut pas se défendre ni repousser la souillure de l'urine du chien. Maintenant cette personne, elle va me donner des enfants et elle va faire tomber de la pluie, masha'Allah, et elle va me trouver du travail et elle va m'aider à me marier. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez le shirk et regardez le grand shirk. Naam, c'est comme ça dans presque tous les pays arabes et surtout dans les petites villes ou alors les petits villages. Les petits villages. Pourquoi les petites villes, les petits villages? Car là-bas, la plupart du temps, il n'y a pas de ulama. Les savants, la plupart du temps, vivent dans les grandes villes. Naam, dans les petites villes, il n'y a rien à faire. Et ton dîn ne peut pas marcher. Tout le monde est contre toi. Naam. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Naam, il a dit wa en parlant aussi d'eux, il a dit wa ajdar an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Il a dit l'arabe, les compagnards, naam, ceux qui vivent dans la campagne, ashaddu kufran wa nifaqan. On boucle salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leur coffre et leur hypocrisie est beaucoup plus grande. Vous savez pourquoi? Naam. Et il a dit, et ils sont plus enclins à ne pas connaître les règles de la sharia, à ne pas connaître ce qui est haram, ce qui est halal. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quelqu'un qui habite à la campagne, il n'y a pas de alam. Où est-ce qu'il peut entendre? Il est là dans le café, en train de jouer au domino, du matin jusqu'au soir. Voilà. Et il va à la mosquée, Allahu Akbar, et il revient. Il n'y a rien. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, ou bien sahih, ou bien bon. Il se trouve dans Sahih al-Jami, il a dit Men bada jafa. Il a dit quiconque va habiter à la campagne, jafa, ça veut dire son cœur va durcir. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a bien dit. Sadaqa Rasulullah, il est véridique. À la campagne, on ne peut pas apprendre. Naam, tayyib. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a par exemple dans une campagne, quelqu'un qui, mashallah, a de la science, etc. Ça sort de l'exception. Mais nous, on est en train de parler en général. Donc, Puisque le wali, chez la plupart des gens, c'est cette personne qui est dans la tombe et qui est morte, naam, et autour de laquelle on va tourner, on va faire des doigts. Alors, puisque la plupart des gens pensent ainsi, Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré comment connaître le wali. Comment connaître le wali? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit Les wali d'Allah, ce sont ceux qui, lorsque vous les verrez, vous invoquerez Allah subhanahu wa ta'ala. Les wali d'Allah, ce sont les personnes qui, quand on les voit, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. T'as une seconde. Bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayyakum Allah. Pardon pour le désagrément. Fais saut. Wa alaykoum salam. Jazakoum Allahu khayran. Barakallahu fikoum. Donc le wali, c'est pas celui qui se trouve enterré quelque part et on va tourner autour de lui avec des bougies. Naam, Sidi Flan, on dit en arabe Sidi. Sidi Flan, ou Sidi Abdelkader, ou Sidi Djilali, ou Sidi Mbrok, et Sidi Kda. Et ce sont la plupart, comme disent les ulama, ils disent la plupart, où on te dit, ici il y a un wali qui a été enterré, c'est pas vrai. Naam, il n'y a pas, il n'y a ni wali ni rien. Des fois, il n'y a même pas une personne enterrée là-bas. Naam. Et maintenant, des gens croient aussi, par exemple, le wali, ce n'est pas aussi, il y a une personne, des fois, même les arbres, naam, des arbres, des rochers. Ils vont chez un arbre spécial et ils font là-bas des doigts. Ils vont dans un rocher spécial, un trou, et ils font là-bas des doigts. Je ne sais pas si vous allez me croire. Si je vais vous dire que, subhanallah al-azim, en plein centre d'Alger, il y a peut-être cela 10 ans ou 15 ans, naam, il y avait un arbre en plein centre d'Alger, la fin de la rue Al-Arbi ibn Mehdi, devant la mosquée qui s'appelle Masjid ibn Badis. Naam, rahimahullah. Il y avait un arbre, naam. Quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a un arbre ici, on vient l'adorer. Je lui ai dit, subhanallah al-azim, c'est pas possible. Il m'a dit, viens voir. Je suis allé avec lui, il me l'a montré. Naam, en plein rue, l'arbi ibn Mehdi, subhanallah, il regarde cet arbre, et j'ai vu qu'il était plein de henné, plein de henna. Il m'a dit ici, si tu venais le soir, ou je ne sais pas quand, le fajr ou là, le vendredi, il m'a dit, tu trouves plein de femmes assises ici en train de mettre le henna et de faire des doigts devant cet arbre. La hawla wa la quwwata, Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, Allah al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous montrer qui c'est le vrai wali. Le vrai wali c'est qui? C'est celui qui, lorsque tu le vois, tu invoques Allah. Dès que tu le vois, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la lumière qui se trouve sur son visage, tu dis Masha'Allah, Masha'Allah, et tu commences à invoquer là, tu dis Masha'Allah, Allahu Akbar, et comme ça. Subhanallah, celui-là, c'est un wali. Naam. Vous n'avez pas remarqué que le contraire est valable? Regardez celui qui se drogue, celui qui est pervers, celui qui prend naam, celui qui est alcoolique. Est-ce que vous trouvez la lumière noir? Vous trouvez noir sur son visage? Jamais de la vie. Toujours noir. Noir. Comme du charbon. Yani, naam, son visage est devenu noir à cause de ce qu'il y a dans le cœur. Le shirk, l'alcool, naam, la perversité. Son cœur devient noir. Pourquoi on va aller loin? Pourquoi? Nous-mêmes, tu ne remarques pas que des fois, quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves masha'Allah. Et des fois, tu te regardes dans la glace, tu trouves que tu ne vois rien. Tu dis, subhanallah al-azim, mon visage est noir. Naam. À cause de quoi? La foi, quand elle régresse. La foi. On fait beaucoup de péchés, tu te vois dans la glace, subhanallah al-azim, tu te hais. Mais quand, masha'Allah, tu fais de la prière la nuit, le siyam, nafila, ceci, masha'Allah, tu te regardes dans la glace, tu trouves, yani, que tu es beau. Tu deviens beau, subhanallah al-azim. Les gens te disent, masha'Allah. Et tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime, masha'Allah. Quand tu es pieux, masha'Allah. Je disais donc, ça c'est le premier signe qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez maintenant ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer qui c'est wali Allah. Il a dit, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. Allah ta'ala a dit, n'est-ce pas que mes wali Awliya Allah, mes wali, non, n'auront ni peur ni chagrin. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront pas peur de quoi? De ce qui les attend demain quand ils vont me rencontrer. Chaque personne a peur de mourir, ça. Mais celui qui est wali Allah, quand il va mourir, il ne va pas avoir peur. Allah Ta'ala va lui faire descendre quelque chose sur son cœur. Naam, il ne va pas peur, il n'a pas peur de ce qu'il attend là-bas. Wa lahum yahzanun. Et ils n'auront pas de chagrin. Car toute personne qui va mourir, elle mourra de chagrin. Avant la vraie mort déjà, elle meurt de chagrin. Pourquoi? Comment quitter toute cette dunya? Quitter toutes les voitures que j'ai. Toutes les belles maisons. Naam. Quitter tous mes enfants. Quitter la ferme que j'ai. Quitter les palaces que j'ai. Et je vais partir. C'est très grave. C'est pour ça que plus on est pauvre, quand on est musulman bien sûr, plus on est pauvre, plus le chagrin est moindre. Qu'est-ce que tu vas quitter toi? Qu'est-ce que tu vas laisser? Tout juste, si tu laisses une voiture ancien modèle, tout juste, tu laisses un appartement, qui n'a pas d'appartement maintenant? Naam, qu'est-ce que tu vas laisser? Des milliards. Mais si tu avais des milliards, ce serait très très difficile de quitter la vie. Alors tu meurs, tu dois mourir, il n'y a rien à faire. Mais tu meurs avec des chagrins, avec de gros chagrins. Sans parler de ce qui nous attend là-bas. Donc, Allah Ta'ala a dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront ni peur, ni chagrin. Non? C'est qui c'est? Alladhina amanu wa kanu ittaqun. Ceux qui ont cru et qui, yani, plus de la croyance, ils avaient la piété. Car on peut être musulman et croyant et ne pas craindre Allah. Il y a des millions de musulmans qui boivent l'alcool. Des millions de musulmans qui font l'usure. Des millions de musulmans qui font la fornication. Celui-là, il a cru. Mais est-ce qu'il a eu la piété? Il n'a pas eu. Car, avec la croyance, on fait ce que Allah aime. Avec la piété, on s'éloigne de ce que Allah déteste. Amen ou avec l'iman. Tu fais ce que Allah aime. Et avec taqwa, tu t'éloignes de ce que Allah Ta'ala a dit haram. Donc, pour devenir waliullah, il faut joindre entre deux choses. Croire, avoir un iman, et en même temps la piété. Donc, quelqu'un qui boit l'alcool, qui les femmes, etc., ne peut être jamais un wali Allah. Hein, jamais de la vie. Donc, Allah Ta'ala l'a montré. Il a dit, Alla inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Qui c'est? Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui étaient pieux. Masha'Allah, masha'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lahumul bushra fil hayati dunya fil akhira. Il a dit, ils auront la bonne nouvelle dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est clair, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront le paradis, masha'Allah. Ils ne rentreront pas en enfer. ils auront tout ce qu'ils voudront dans le paradis, mashallah. Ça, c'est de l'au-delà. Mais c'est quoi la bonne nouvelle ici? Ils ont la bonne nouvelle ici. C'est quoi ici? Bien sûr, personne ne peut le savoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un hadith authentique. Il a dit la bonne nouvelle dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Il a dit c'est quoi? Il a dit c'est le beau songe que Allah ta'ala te fait voir, ou alors qu'il fait voir à quelqu'un qui est pieux. Il le fait voir, yani, il te fait voir toi par l'intermédiaire d'une autre personne. Car des fois, par exemple, tu es en janaba la nuit, tu as fait quelque chose avec ta femme, tu vas pas faire un beau songe, tu vas dormir avec la janaba. Cette nuit-là, Allah Ta'ala choisira une autre personne, une amie à toi par exemple, et lui fait voir le songe, et le lendemain, elle vient te raconter, subhanallah l'azim. Donc, les beaux songes et les bons songes font partie de quoi? Font partie des signes qui montrent que tu es quoi? Un wali d'Allah. Naam. Et c'est pourquoi il découle de cela que plus on voit des choses mauvaises dans le songe, plus on est plus ou moins loin d'être un wali d'Allah. Plus on voit des chiens, et plus on voit de l'alcool, et plus qu'on voit la zina, et plus, ça veut dire que il faudrait un peu yani, revenir sur soi-même et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est un peu la voiture qui est en panne. Hein? Il y a de la fumée, etc. Il vaut mieux que j'ouvre le capot pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Naam. Et ici, la même chose, il faut mieux faire un peu yani, de calcul et dire qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Sauf, bien sûr, les personnes qui ont du sihr. Les personnes qui ont du sihr, alors celles-là n'arrêteront pas de rêver chaque nuit un chien noir qui veut le mordre, ou là un chien berger, ou là un serpent, ou là, ça c'est clair. On parle pas de cela. Ceux-là, ce sont des malades. Ils doivent faire la ruqya. Mais si une personne yani, normale, yani, elle voit beaucoup ce que je viens de dire, ça veut dire que elle devrait faire des efforts pour yani, essayer de lever un peu sa foi, car sa foi est en train de régresser. Tayyib. Autre chose, inshallah ta'ala. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, c'est pour ça que, avant de terminer, je veux dire une chose, c'est pour ça que, puisque maintenant on est arrivé à la fin et le résultat et le résumé, que wali Allah, c'est pas telle ou telle personne qui est dans la tombe, mais c'est toute personne qui est croyante et qui est pieuse. Donc, comme j'ai dit une fois, maintenant nous dans la salle, attendez d'abord, je vois combien qu'on est dans la salle, une seconde, combien qu'on est dans la salle. On est 140, mashallah. Parmi les 140, il est fort possible qu'il y ait, par exemple, des wali Allah. Peut-être X, Y, et flan, et fultana, peut-être ce sont des wali Allah. C'est pour ça que wali Allah, c'est quelqu'un que ce n'est pas obligé qu'on le connaisse. Il est parmi nous, assis avec nous, etc. Et mashallah, il a des songes, mashallah, il craint Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait des doigts. Allah Ta'ala lui répond, et comme ça, celui-là c'est un wali Allah. Naam. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith 2564? Il a dit awwalu zumratin tadkhulu al-jannah, pardon, il est chez moi minuit moins 25. À minuit, inshallah ta'ala, vous m'écrivez en rouge minuit. Naam. Pour que je sache, yani je m'arrête. أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر. Le prophète صلى الله عليه وسلم parle maintenant de des gens qui vont rentrer au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse deux. Naam. Il a dit la première, ou bien le premier groupe. Naam. Ce sont des groupes qui vont rentrer au paradis. Naam. Le premier groupe, c'est-à-dire ils rentrent groupe par groupe, si je puis dire. Le premier groupe, ce n'est pas mieux que le deuxième. Le deuxième est mieux que le troisième. Naam. Quand par exemple le président de la République invite des gens, qui vont rentrer le premier? Qui vont rentrer les premiers à la présidence? Les gens simples? C'est pas les gens simples. On va commencer par les généraux. Ensuite il y aura les ministres. Ensuite il y aura les PDG. Ensuite les directeurs. Et ça descend. Naam. Donc c'est sûr que le premier groupe est mieux que le deuxième, le troisième. Ça c'est juste un exemple hein. Donc le premier groupe qui va rentrer au paradis, comment qu'il sera? il a dit à la sourate al-Qamar, l'île al-Badr, ils rentreront au paradis dans l'image de la lune lorsqu'elle est pleine. Vous voyez la lune quand elle est pleine, combien qu'elle est belle. Subhanallah, c'est de la lumière qui sort d'elle, étincelante, éclatante. C'est pas de la chaleur. C'est pas de la chaleur comme le soleil. Celle-là, c'est la lune. Il y a de la lumière qui sort d'elle, mashallah. Naam. Donc, le premier groupe, il rentrera comme la lune quand elle est pleine. Le deuxième groupe, il a dit, ala louni ahsan min kawkabin diriyin fi sama. Il a dit, le deuxième groupe rentrera sous l'image, ou bien dans l'image, du plus beau, naam, du plus bel astre. Quand deux voyelles se rencontrent, là, il faut, pour pas se rencontrer, il faut qu'il y ait un L. On ne dit pas un beau appartement, on dit un bel appartement, un bel avion. Al-Muhim, le plus bel astre, naam, le plus bel astre, c'est comme ça que rentrera le deuxième groupe. Naam. Et le trois, ensuite il a dit, li kulli rajulin minhum zawjatan. Chaque homme de ces deux groupes aura deux femmes. Quand je dis deux femmes, ça c'est yani quelque chose en plus. Je ne parle pas qu'ils auront beaucoup de femmes en plus, mais c'est ça, des choses yani qu'ils auront que les autres gens n'auront pas. Naam. Zawjatan en plus, ala kulli zawja 70 hulla. Chaque femme dont on vient de parler a 70 ou bien parures ou bien vêtements. Le hulla, c'est des fois le hulla, c'est quand le vêtement est le même qu'on porte sur le buste et le même qu'on porte par en bas. Des fois il y a des vêtements, c'est comme un costume, on met une chose en haut et une chose par en bas, ça s'appelle hulla. Et d'autres on dit parure, de la parure, de l'or, les bracelets, etc. Il a dit yibdu mukhu saqiha min wara'iha. La femme dont on est en train de parler, quand on la voit de derrière, naam, on peut voir la moelle qui se trouve dans quoi? Dans son tibia. Naam. Dans les eaux. Mais nous, on voit un homme là, une femme du paradis, belle, mais tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans un autre hadith sahih que je viens de me rappeler maintenant, il est dit que le couple dans le paradis, il se voit, il n'y a pas de miroir. Quand tu veux te voir, tu te regardes dans ta femme. Non, tu t'approches d'elle et tu te vois. Et elle, quand elle veut se voir elle-même, elle s'approche de toi et elle se voit. Tellement, le couple est beau. Il est resplendissant. Quand on s'approche de lui, on se voit soi-même. C'est étonnant, subhanallah al-azim, mais c'est comme ça. Naam. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant toujours des gens qui vont rentrer au paradis, surtout, et le deuxième dit, c'est comme si c'était un seul cœur. L'artilafa bainahum, il n'y a pas de divergence entre eux. Naam, dans le paradis, il n'y a pas de divergence et des problèmes. Car la divergence va mener à quoi? À la dispute, qui va mener à la bagarre, qui va mener à la mort. Il n'y a pas ça dans le paradis. Ni divergence, ni dispute. Il est possible peut-être qu'on diverge sur une petite chose. Que je dise moi, la chose qui est loin là-bas, c'est quoi? C'est par exemple un oiseau. L'autre il dit non, c'est par exemple autre chose. C'est possible. Mais diverger sur une chose qui va nous pousser à se disputer, ça n'existe jamais au paradis. Wala tabaruz, il n'y a pas de haine entre les gens du paradis. Wala tahasud, il n'y a pas d'envie. Tu te dis pas pourquoi telle personne, Allah Ta'ala lui a donné cette chose et moi il ne m'a pas donné. Il n'y a pas cette chose, ça n'existe pas dans le paradis. لِكُلِّ مْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَنْ, chacun d'eux a deux femmes. كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سُوقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنْ حُسْنٍ. Chaque femme de ces femmes, on peut voir la moelle qui se trouve dans son tibia. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala, Abu Abdurrahman. Où est-ce طيب مبارك عليكم الشهر وتقبل الله منا ومنكم. طيب celui là il m'entend pas. Pardon, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça, je dois lui répondre très vite. طيب la personne qui vient de m'écrire cette chose, c'est un imam ici, mashallah, un Kuwaitien, mashallah. Salaf yahsabu kadhalik wa la yuzki Allah ahadan. Il est venu à Paris, il a fait des dourous là-bas, etc. Non, et il m'a envoyé des fleurs dans son message. J'ai pas le temps d'écrire des fleurs, mal asf. طيب, je disais que, non, il a dit ici dans ce hadith, il a dit, la femme est tellement belle qu'on voyait quoi, qu'on voyait sa moelle qui se trouve dans le tibia. Ensuite, il a dit, yusabbihun Allah bukratan wa ashiya. Matin ou soir, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens du paradis, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukratan, hein, matin et soir. La isqamun, ils ne tombent pas malades. La yamtakhitun, ils ne se mouchent pas. Naam, ils ne se mouchent pas pour faire sortir ce qu'il y a dans le nez. Naam. La yabzuqun, ils ne crachent pas. Aniyatuhumul dhahab wal fidda. Le récipient, c'est quoi? C'est l'argent et l'or. Naam. Le récipient, c'est quoi? C'est l'argent et l'or. Il n'y a pas de récipient comme chez nous, yani, en faïence qui se casse, etc. Tout est en or et en argent. Et malheur à ceux qui, dans cette vie, ont mangé dans les récipients d'or et d'argent. Malheur à eux s'ils ont fait ça et n'ont pas fait la tauba. Car s'ils ont fait ça et n'ont pas fait la tauba, même s'ils iront au paradis, ils n'auront pas ces choses. Naam. Amshatuhum al-dhahab, leur peigne. Naam, là-bas, on veut se peigner, subhanallah al-azim, surtout la femme. La femme, elle veut se peigner. Elle se peigne avec des peignes en or, masha'Allah. En or, naam. Wa waqudu majamirihim al-ulawa. Naam, al-ulawa. Et, je vous ai parlé de l'encens, al-bukhur, hada, al-bukhur. Où est-ce qu'on le met? On le met dans un petit récipient et on l'allume. Ici, il dit, le récipient, naam, c'est l'ulua, naam. Il dit, yani, le bukhurada, il est tellement, yani, masha'Allah. Bien sûr, tout le monde sait que le bukhur du paradis, c'est pas comme le bukhur de la dunya. Déjà ici, dans la dunya, il y a certains parfums, certains encens, masha'Allah, on dirait une odeur du paradis, pas le paradis. Alors, qu'en est-il de quoi? De l'encens, hada, du paradis, naam. Ici, ça me rappelle une chose. Puisque, quand on va aller au paradis, Inch'Allah Ta'ala, demande Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous fasse deux, il n'y a ni hasad, ni envie, ni divergence, ni ceci. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. طيب, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans ce verset que, c'est-à-dire que les personnes, avant de rentrer au paradis, ils vont, si je puis dire, on va leur enlever ce qu'il y a dans leur cœur en passant sous une douche comme ça ou un robinet, hein, ils vont se laver, ensuite ils vont rentrer au paradis avec dans le cœur aucune envie, ni haine, ni jalousie, ni ceci, cela. Naam. Certaines peut-être diront, certaines personnes peut-être diront, pourquoi dans le paradis la femme, il lui est interdit de voir les hommes, les étrangers? Pourquoi? Alors qu'il n'y a pas de vice. Non, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas le concubinage, il n'y a pas ceci. Pourquoi, subhanallah al-azim, la femme, même dans le paradis, elle ne voit que ses proches? Non, elle ne voit que ses proches. Ou si elle voit les autres, elle les voit, si elle les voit, elle les voit dans une tenue, yani, qui ne permet pas, etc. Pourquoi? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala enlève les mauvaises choses du cœur, il ne va pas enlever le fait de, yani, désirer la femme. Bien au contraire, au paradis, Allah ta'ala donnera à chaque homme la puissance de 100 hommes, comme c'est dans le hadith sahih. Chaque homme aura la puissance dans ses désirs sexuels de 100 femmes. C'est-à-dire que il peut au moins faire cette chose 100 fois par jour, s'il y avait les jours et les nuits au paradis. Naam. Donc, cette chose, le fait de pencher vers les femmes et la femme penche vers l'homme et elle désire elle aussi l'homme, ça existe même au paradis. C'est une chose qui est les plus beaux plaisirs de la personne. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala va t'enlever cette chose. Ensuite, s'il va enlever cette chose, quand tu vois, c'est comme si tu avais vu n'importe quoi. Tu avais vu un oiseau là. Non. Quand l'homme voit la femme, surtout qu'elle est très belle et elle le voit, ça risque de... C'est pour ça que les femmes auront des endroits spéciaux, bien sûr. Quand je dis des endroits, c'est pas... Elle est enfermée, je sais pas où. Le Coran et le Hadith qui dit dans les tentes. Hein, mais la tente, c'est quoi la tente d'abord? Elle est faite de quoi? Et la tente, elle a combien de kilomètres carrés? Combien de millions de kilomètres carrés? C'est pas la tente de 3 mètres sur 3 mètres. Et elle commence à dire, oh, moi je sors pas, je suis bloqué, j'ai chaud, je veux voir ce qui se passe dehors. C'est pas ça. Non. Tayyib. On va ajouter un ou deux hadiths. Naam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2584, il a dit, naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première personne qui sera habillée le jour de la rétribution, c'est Ibrahim. Car tout le monde doit venir vers Allah nu, comme il est sorti de sa mère. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est sorti du ventre de sa mère avec une jellabiya et une chachia sur la tête, ou bien avec un costume et une cravate? Vous connaissez quelqu'un? Personne. Ce jour-là, le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas venir nu. Naam. Et mieux que cela, toutes les parties du corps qui ont été coupées de toi, elles doivent revenir. Naam. C'est pour ça que l'homme qui a été circoncis, la partie de la chair qu'on a jetée, elle a dit, elle doit revenir. Elle doit toujours la résurrection. Comme il t'a commencé, tu reviens. Car si tu vas revenir en manquant des choses, subhanallah, c'est pas toi que Allah Ta'ala a créé. Allah Ta'ala a créé une personne. Oui, les choses qui manquent. Je ne sais pas, on m'a enlevé mon bras. Allah Ta'ala sait. Il va les faire. Donc ce jour-là, quand on sera tous nus, naam. D'ailleurs, ça a même interpellé notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui s'est en de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, on sera nus. Alors, comment se fait-il pour la aura? On va se voir la aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Al-amru ashad min dalik. Lui a répondu, ce sera tellement grave ce jour-là que personne n'aura le temps de penser à cette chose. Et ici, remarquez deux choses. Remarquez la deuxième chose, ensuite la première. La deuxième chose, est-ce que toi, quand tu es dans un état très grave, est-ce que tu vas penser à autre chose? Imaginez que quelqu'un dans sa voiture, il roulait, ensuite la voiture allait tomber dans un ravin. Combien qu'il y a en bas? Je ne sais pas, 500 mètres ou 600 mètres en bas, et il y a quoi? La mer. Il va tomber dans un ravin. Il y a la mer où il y a un oued, où il y a, je ne sais pas, de toute façon, il va mourir. Il y a en bas 500, 600 mètres. Et les deux premières roues de la voiture sont déjà avancées. Subhanallah al-Azim. Les deux dernières roues qui ne sont pas tombées. En ce moment où khlas de tomber, est-ce que quelqu'un peut penser à son compte en banque? Il va dire, bon, je vais prendre mon stylo. Et la calculatrice, je vais compter combien j'ai d'argent dans la banque. Je vais dire, qu'est-ce que je vais construire? Je vais construire une maison ou là un château. Est-ce qu'il va penser à ces choses? Subhanallah al-Azim, son cœur n'est plus avec lui. Il est pâle, émacié, jaune, khlas. Il sait plus ce qu'il dit, il attend seulement qu'il meure. Ou que les gens le sauvent. Hadith, c'est seulement dans la dunya. Qu'en est-il yom al-qiyama, yom al-qiyama, yom al-qiyama? Allah Ta'ala va venir, Allah Subhanahu wa Ta'ala, les anges, Subhanallah. Alors, est-ce que quelqu'un va dire, attends, je vais voir cette femme comment qu'elle est, ou la femme, elle dit, je vais voir celui-là comment qu'il est. C'est impossible, impossible, ça ne peut pas passer par l'esprit. Ça ne peut pas, tu ne penses pas à ça. Première des choses, c'est la deuxième chose. La première des choses qui nous interpelle dans ce hadith, regardez Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la pure, que les chiites ont voulu salir et Allah Ta'ala les a salis. Tayyib. Aïcha la pure, radiallahu ta'ala anha. Regardez à quoi elle a pensé. Elle a pensé à sa aura. Tellement elle est pieuse et tellement elle se cache des gens. Même en cet endroit, elle a pensé, ya Rasulallah, quelle est la solution? Comment on va voir ma aura? Comment qu'on doit faire? Etc. Subhanallah al-Azim. Regardez la pieuse. La pieuse. Naam. Et les chiites ont voulu la salir. Naam. Allah Ta'ala les a salis. Toutes leurs femmes ou presque font la zina et ils disent c'est le zawaj, c'est le mariage temporaire. Naam. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-Afiya. Alors la première personne que Allah Ta'ala va faire venir pour l'habiller, ce sera qui? Ibrahim alayhi salam. La première personne à être habillée ce jour-là. Les savants ont dit, parce que n'oubliez pas que les kuffars l'ont jeté tout nu en enfer. Pardon, en enfer, dans le feu. Ils ont allumé un grand feu une semaine ou 10 jours en train de l'allumer. Et ils l'ont frappé avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, quelque chose. On met une personne ou un grand caillou sur cette chose et on le jette. Il va tomber à 100 mètres plus loin ou 200 mètres. En arabe, ça s'appelle minjaniq. On l'a mis dedans et on l'a jeté avec cette chose qui a comme des élastiques qui jettent loin. Et il est tombé en enfer. Pourquoi on l'a jeté avec cette chose? Parce que personne ne peut approcher ce feu tellement il est grand et chaud. Quiconque l'approche se brûle. Donc il fallait le jeter de loin. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il était nu, bien sûr, et les gens ont dû rire de lui, ou je ne sais pas, Allah Ta'ala va lui donner cette faveur qu'il sera le premier à être habillé. Naam. Tayyib, je vais terminer avec ce hadith, inshallah ta'ala, car il reste seulement 5 minutes. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Une seconde, parce qu'il est le hadith. Je suis en train de le chercher. Tayyib, si je peux, je vais vite en essayant de dire deux hadiths, car le premier aussi est très important. Car le premier hadith est aussi très important. Naam, jazakallahu khayran, Oum Youssef. Mais quand même, si j'oublie, rappelle-moi. Tayyib, le premier hadith a dit, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 2597, Ala ukhbirukum bi amrin idha fa'altumuh adraktum man qablakum wa futtum man ba'dakum. Est-ce que il a dit, ne voulez-vous pas que je vous informe d'une chose? Ceux qui vous ont précédé, vous allez déjà les rattraper. Naam. Et ceux qui vont venir après vous, vous allez les dépasser. Le catapulte, Umm Hamza jazakillahu khayran, le catapulte exactement. Il va être jeté par le catapulte. Pardon, il a été jeté par le catapulte. Naam, ahsanallahu ilayk. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous voulez que je vous informe de quelque chose? Si vous la faites, vous allez rattraper ceux qui vous ont dépassé. Et en même temps, vous allez dépasser ceux qui vont venir après vous. Subhanallah al-Azim. Quelle est cette chose? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-la nous, c'est quoi? Il a dit, naam. تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرونه 33 33 34. Il a dit, naam. Après chaque salat, quand vous terminez, qu'est-ce que vous faites? Vous dites Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, 33. Et Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, combien? 34. Vous connaissez ça? 33. Subhanallah, pardon, 33, Alhamdulillah, 33, Subhanallah. Et il n'y a pas de différence si on commence avec ça ou avec ça. Et à la fin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, combien? 34. Car en fait, il y a plusieurs sortes de faire le tasbih. Et ce n'est pas bien de se suffire à une seule sorte. Il faut de temps en temps changer. Aujourd'hui, au Asr, tu fais une deuxième sorte, au Maghrib peut-être une troisième sorte, ou bien non. Tu fais par exemple toute la journée avec cette sorte. La deuxième journée avec une deuxième sorte. Je crois que comme ça c'est mieux. Car ici il a dit, tef'alunahu fi salatikum, yani dans toute la salat. Bon, je vais donner donc quelques versions. Et ensuite, quand tu changes comme ça, ensuite, tu permets de casser quoi? Tu casses la routine. Naam. Car à force de dire toujours la même chose, subhanallah, subhanallah, subhanallah, classe, ça devient quelque chose comme de la routine. Maintenant, tu dois te surveiller parce que le nombre va changer pour que tu ne te trompes pas, donc tu vas te surveiller. Alors, comment qu'on fait? Je vais vous citer, lui, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a cité une sorte. Je vais vous en citer quatre, inshallah ta'ala, et rappelez-vous. Je commence par la plus simple qu'on connaît. Comment qu'on dit, nous tous? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 30 fois, 33, pardon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Ensuite, on dit, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sah? C'est comme ça qu'on dit? Dites-moi, Oumanel et les autres. C'est comme ça que la plupart des gens disent. Subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 33. Et ensuite, La ilaha illallah. Ça fait 100. Tayyib, dites-moi si c'est comme ça que font la plupart. Naam, alhamdulillah. Maintenant, tout le monde connaît la première sorte. On va passer à la deuxième sorte. C'est celle qui est ici dans le hadith. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34. 34. Naam, vous avez compris? Subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34. Au lieu de faire 33 et dire La ilaha illallah, tu dis pas La ilaha illallah. Tu dis seulement 34 fois Allahu Akbar. Écrivez-moi ici que vous avez compris pour que je passe à la troisième sorte. Répète pour ceux qui n'ont pas compris. La première, Subhanallah, Subhanallah, 30 fois. Alhamdulillah, 33, pardon. La deuxième, Alhamdulillah, 33. Et Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Et on termine par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alhamdulillah, kulli shay'in qadir. Ça, c'est la première sorte. La deuxième, Subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Et Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34. C'est-à-dire à la 34e fois, on dit Allahu Akbar au lieu de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Écrivez-moi ici que vous avez compris, inshallah, pour que je passe à la troisième. Alhamdulillah. La troisième maintenant. Subhanallah, 10 fois. Alhamdulillah, 10 fois. Allahu Akbar, 10 fois. MashaAllah, comme elle est facile. Subhanallah, 10 fois. Alhamdulillah, 10 fois. Allahu Akbar, 10 fois. Très facile. Des fois, on fait cette chose, par exemple, quand on est pressé. Ou là, alhamdulillah. Quatrième chose. Subhanallah, 25 fois. Alhamdulillah, 25 fois. Allahu Akbar, 25 fois. Pour faire hadith à 25 fois, pour ne pas se tromper. Comment qu'on fait? Quand je fais le tesbih, je le fais à ma main droite contient combien? Contient 5 doigts. Dans chaque doigt, je fais 5. Je commence par le petit. Je dis subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 5. Deuxième. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 5. Comme ça. Tayyib. Ensuite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Ça fait combien? Ça a donné 5. Naam. Dans chaque doigt, je fais 5. Ça donne combien? 25. Ensuite, je passe à autre chose. Je passe à Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 5 fois. Ensuite, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 5 fois. Et comme ça. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 33 fois. La ilaha illallah. Naam. Oumana les Ukht Salafia. Écrivez maintenant la deuxième sur Jazakallahu khaira. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 34. Naam. Écris-moi la troisième. La troisième sorte. La troisième sorte, Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois. Naam. Et la quatrième sorte, Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, et Allahu Akbar 25 fois. Alors n'oubliez pas de faire, Inch'Allah Ta'ala, revivre ces sunnahs, bi'idhnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Je suis, Alhamdulillah. Quatrième, 25 fois, 25 fois, Allahu Akbar 25 fois. Oum Abdillah, jazakillahu khayran, jazakillahu khayran. Naam. Dernier hadith, inshallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli jannah. Est-ce que vous voulez savoir qui c'est ceux qui vont aller au paradis? Il a dit An-nabiyyu fil jannah, le messager au paradis. الشهيد في الجنة لو مارتير ira au paradis. Wa as-siddiq fi al-janna. Et le véridique au paradis. Wa al-mawlud fi al-janna. Le mawlud, le nouveau-né, s'il meurt, où est-ce qu'il va aller? Au paradis. الرجل يزور أخاه في ناحية المصري في الله في الجنة. نعم. Quelqu'un qui va rendre visite à son frère dans une autre ou bien dans un autre endroit, mais il va le voir spécialement fil là. Nam. Parce qu'il a des affaires avec lui. Nam. Il va pas le voir parce qu'il a des intérêts avec lui. Il va pas le voir pour lui dire cherche-moi, je veux acheter une voiture, ou là je veux le voir fil là. Salam alaikum. Kayf el hal? Inch'Allah, après, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Naam, il te manque des choses, Inch'Allah. Naam, c'est pas maintenant les gens te demandent. Alors, quand tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal, on a appris que tu es sans travail, hein. Tu dis Qaddar Allah, ma shafa'al, naam. Ils te disent Allah Karim, Allah Karim, Allah Karim, salam alaikum. Ah, ils te disent pas tu es sans travail. Subhanallah al-Azim. Donc ça doit être difficile, là. Et il essaie de te donner quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Allah Karim et il part. C'est juste, yani, c'est juste façon de parler. Il te dit comment vas-tu, etc. Al-Muhim. Ensuite, il a dit: Ala ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli al-jannah. Vous voulez que je vous dise quelles sont vos femmes qui iront au paradis? Les femmes qui iront au paradis? Il a dit, nam, en répondant, il a dit: Al-Wadud. Al-Wadud, celle qui sait se faire aimer. Naam, pour son mari, elle le doute. Naam, ou peut-être aussi pour les gens, mais surtout, surtout, son mari. Elle le doute, elle le doute. Celle qui enfante beaucoup. Naam, celle qui donne beaucoup d'enfants. Et avec la niya de Fisabillah. Elle dit, je veux que la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam grandisse. Elle ne fait pas dans la niya, je voudrais avoir beaucoup d'enfants pour qu'ils soient tous des médecins et des généraux. Ensuite, je vais devenir riche. C'est pas comme ça la niya. La niya, c'est pour agrandir la tribu, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des nouveaux, masha'Allah, des nouveaux muslimines, des nouveaux ulama, des nouveaux soldats, et comme ça, inshallah ta'ala. Al-A'oud, attention, la femme, elle a trois qualités. Elle a trois qualités. Al-Wadud, elle est aimante, se fait aimer. Al-Walud, elle enfante, masha'Allah, féconde. Al-A'oud, c'est celle qui revient. Elle va revenir où? Il a dit, Allati idha zolimat qalat, hadihi yadi fi yadik, la adouku ghamasan hatta tarda. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle qui, lorsqu'on lui fait tort, lorsque son mari lui fait tort, subhanallah al-Azim, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà ma main dans ta main. Je ne trouverai jamais de plaisir jusqu'à ce que je te sente ravi de moi. Subhanallah al-Azim. Madlouma, elle a été lésée. Elle a été lésée et elle s'appelle l'A'oud. Elle s'appelle la revenante. Elle revient vers lui et pourtant c'est lui qui subhanallah, mérite le châtiment. Mais elle revient vers lui, elle sait que c'est après, avant tout et après tout, c'est son mari. Naam. Elle revient vers lui. Et qu'a dit le prophète alayhi sallam? Il a dit, elle met sa main dans sa main. Elle met sa main dans sa main. Et, naam, elle dit, elle lui dit, voilà ma main dans ta main. Et je ne serai heureuse que quand je sais que tu es heureux de moi. Naam. Les femmes, des fois, sans le vouloir, elles font des problèmes à leur mari. Des fois, sans le vouloir, elles disent des choses, etc. Ou bien des fois, elles sont énervées, ou bien, il faut les comprendre, yani. Naam, la grossesse, l'allaitement, les lochis, tout ça, naam, ça fait des problèmes à la femme. Donc des fois, sans le vouloir, elle fait des problèmes à son mari, et des fois le mari aussi, il s'emporte, des fois il frappe, des fois il insulte, des fois, d'après la piété, d'après bien sûr son comportement. Mais des fois, il se dit, par exemple, elle m'a tellement énervé que je ne vais plus lui parler. Ou peut-être même que je vais penser à la répudier, à la divorcer. Mais elle, en faisant seulement un geste, naam, en allant vers lui, et il a dit, elle va vers lui, et elle met sa main dans sa main et elle dit, je ne serai heureuse que lorsque je sais que tu es ravie de moi. Subhanallah al-Azim, voilà que elle a triomphé sur le shaitan et l'époux, subhanallah al-Azim, quand ils sont la douceur de la main de sa femme dans sa main, ensuite yani, ils sont quelque chose qui descend dans son cœur, une rahma que Allah Ta'ala fait descendre. C'est toujours ta femme, en fin de compte, c'est ta femme. Alors, vite, il l'oublie. Subhanallah. Mais si elle veut faire la fière, elle veut faire la tête dure, elle risque de se trouver répudiée. Alors, c'était pour une chose banale. Si elle avait cassé la fierté, elle avait fait, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la main dans la main, et il lui dit, par exemple, excuse-moi, ou là, je me suis trompé, ou là, il faut pas m'en vouloir. Yani, tu sais que je suis malade, je suis nerveuse, je suis ceci. Avec hikma, Allah subhanahu wa ta'ala, unis entre les deux. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Pour les questions, je ne vais pas tarder, peut-être pas plus de 20 ou une demi-heure. J'ai ma tête qui me fait mal. Je vous laisse sur la ta'ala, on se rencontre dans 5 minutes. واسمك أم هاجر ستوي لا ميل القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ الحمد لله. طيب. Je vais commencer par par quoi je vais commencer? Je vais commencer disons par je vais commencer par quelqu'un qui, hier, il y a un frère de France qui est venu chez moi ici, je l'ai pas rencontré, cette fois, mais il est venu chez moi à la maison ici, il m'a donné un musc, quelque chose comme ça, une bouteille, mashallah. Donc, cette personne, yani, il m'a ramené de la part d'une autre personne. Je dis à la personne qui l'a envoyé, خيرًا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وبارك الله لك في مالك وبارك الله لك في مالك. طيب هذه premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne l'emploi du temps du Ramadan. En ce qui concerne l'emploi du temps du Ramadan, vous remarquez que c'est très difficile et il peut pas y avoir concordance entre mes horaires et vos horaires. Vous terminez les tarawih vers presque minuit, vers 11h, 11h30 du soir. Et 11h, 11h30 du soir, c'est ici, minuit 30. Ça veut dire, si je dois faire un dars, je dois le faire à 1h du matin. Et pendant, 23h30, c'est-à-dire combien ici? C'est-à-dire ici, minuit. Donc, si je dois commencer le dars, je dois commencer vers minuit et demi peut-être, pour arriver à la... le temps que vous arrivez à la maison, de vous reposer un peu. Or, ce qui est très difficile, c'est pour ça que, et la journée je peux pas, c'est pour ça que j'ai pensé, bi'idhnillah ta'ala, que mon programme pendant le Ramadan sera seulement une fois par semaine, c'est-à-dire le vendredi. Pourquoi le vendredi? Car cette semaine, ou plutôt à partir de ce mois de septembre, Au Koweït, on a changé, subhanallah al-Azim, le jour de la pause, le jour du repos. C'était jeudi et vendredi. Maintenant, subhanallah, c'est vendredi et samedi, c'est pas jeudi. C'est, par exemple, demain, jeudi, je travaille. Donc, inshallah ta'ala, je ferai un dars une fois par semaine chaque vendredi. Vendredi, je peux le faire à 1h du matin. Pourquoi? Parce que je travaille pas. Je reste jusqu'à faire la prière du Fajr et je dors. Donc, je ferai une fois par semaine, inshallah ta'ala, le vendredi vers minuit chez vous, là, 11h30 chez vous. C'est-à-dire, après que vous sortez des tarawih. C'est-à-dire, le vendredi prochain, inshallah, après demain. Vendredi à 0h pour la France. 0h pour la France, c'est-à-dire 1h du matin chez moi. Ou bien disons 23h30 chez vous. 23h30 chez... Inch'Allah ta'ala. Ou bien un peu avant, je ne sais pas. Moi, je rentre un peu avant et je vois. S'il y a maintenant, mach'Allah, des gens qui sont rentrés, peut-être pas tout le monde va aller au Tarawih, il y a des femmes qui ne partent pas, etc. Non, il y a des gens, des frères qui habitent loin de la mosquée. Elle dit, deuxièmement, c'est en ce qui concerne le quoi, l'emploi du temps. Troisièmement, je vous dis que je vous ai dit que toi des tkfiriens et je vide d'ouvrir des salles, de rediffuser des doros, de faire le Coran, de faire ne pas laisser le vide, c'est tout, ne pas laisser le vide aux tkfiriens pour qu'ils ne sautent pas sur l'occasion. Subhanallah, vous vous rappelez il y a 3 jours, je vous ai dit voilà ce qui se passe, le vide, tkfir. Et regardez ce que j'ai reçu comme lettre aujourd'hui matin, ou bien hier matin, j'ai oublié. Écoutez bien avec moi ce que dit cette sœur. Tayyib, Ibn Qayyim, écris-moi numéro 1 si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alors écoutez ce que dit cette sœur. Tayyib, elle dit Assalamu alaikum, cher. Je me permets de vous écrire parce que je suis dans une situation très difficile. Je me sens véritablement perdu. Cela est dû à certaines découvertes que j'ai faites sur Paltalk. En effet, je suis nouvelle sur Paltalk. Et j'ai été dans plusieurs salons plus ou moins intéressants et instructifs. Mais sur certains salons, dont je ne peux me permettre de citer les noms, j'ai appris une chose très importante, le tawhid. Masha'Allah. Vous voyez, elle est nouvelle là. Et Masha'Allah, elle a appris quoi, le tawhid? J'ai 22 ans et je pensais maîtriser ce sujet, tawhid, grâce à mes nombreuses lectures. Cependant, sur ce salon, le salon dont elle parle, j'ai appris un mot dont je n'avais jamais entendu parler et qui pourtant apparaît plusieurs fois dans le Coran. C'est quoi le mot? Tarout. Tu es Tarout. Naam. Vous avez sûrement deviné le salon où est rentrée la sœur. La raison pour laquelle je fais appel à vous aujourd'hui, en espérant avoir une réponse rapide, Inch'Allah, et précise, c'est que j'ai eu la définition de ce mot par les admins de ces salons, de cette réponse. Naam, appuyez sur le verset suivant. Masha'Allah. Et sûrement là, ce qu'il y a avec eux. La dit, Masha'Allah. Peut-être que ce sont même eux qui ont un. Mais disons, ils sont au Coran. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, Allah Ta'ala a dit, nul contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Mais crois au Tarout. Tandis qu'ils croient en Allah, c'est plus solide. Qui ne peut se briser, Allah est omniscient. Et plusieurs autres, ainsi que ces versets démontrent qu'il faut rejeter le tarot et adorer Allah, seul, la ilaha illallah. Ce qui m'amène aux questions suivantes. Quel est le véritable sens du tarot? Comment délaisser le tarot afin d'adorer Allah seul? Quelles sont les différences entre le polythéisme et le tarot? J'espère que vous pourrez, Inch'Allah, répondre à mes questions avec des dalils, s'il vous plaît, parce que je ne sais plus qui croire. Je ne sais plus quoi croire. Chaque personne s'appuie sur des versets des hadiths pour confirmer son opinion, et je ne sais plus quoi croire. Barakallahu fikum et salam alaykum. Donc vous voyez, Allah al-Musta'an, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ils ouvrent leur salle et ils guettent les premiers venus. Les jeunes, des jeunes filles, des jeunes reconvertis, etc. On leur commence par le tarot. Attention, il faut mécroire au tarot et on est mis en garde, on leur dit attention, les autres salles ne rejettent pas le tarot. Attention, ma soeur, tu es une kafira. Attention, ma soeur, tu es une mushrika. Et on lui a fait des problèmes. Et regardez la soeur maintenant, elle est perdue. Tout cela pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on laisse la place vide. On laisse la place vide à qui? À ceux qui font yani des la khurta takfir. Naam. Je vais traduire Nasiha. de Cheikh Ramadan au sujet du pas talk. Voilà ce qui arrive quand on passe trop de temps dans la romansar tawhid. Après, ça finit par Cheikh Ibn Baz al-Bani s'y apostat. Naam. Regardez maintenant, écoutez ce que je lui ai répondu. Écoutez maintenant ma réponse. Tayyib, Ibn Qayyim écrit numéro 1. Alhamdoulilah. J'ai répondu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. En fait, ma sœur, je voudrais aller droit au but en te mettant en garde contre les salles que tu fréquentes. Car tu es en train de rentrer dans les salons des takfiriyin et les salles des khawarij, dont le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné d'en s'éloigner. Car ce sont des gens qui sont dans le total égarement. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Car ces gens-là, même s'ils appellent leur salon par des noms qui attirent, comme le salon Ansar Tawhid, Allah Ta'ala empêche leur da'wah de se propager. La preuve, ce sont les mêmes pseudo qui la fréquentent. Et s'il y a un nouveau qui rentre dans leur salon, la plupart du temps, il n'y revient jamais. Sauf si on lui fait boire de leur poison, alors dans ce cas, c'est vraiment difficile pour lui d'enlever le virus, car il est passé de la guider à l'égarement à a'oudou billah. Ma sœur, il faut juste avoir un peu de science et de logique pour comprendre qu'ils sont dans le faux. La preuve, c'est qu'ils tawhident, etc., alors que jamais, au grand jamais, ils ne parlent du tawhid, car ils ne savent pas ce que c'est le tawhid. Et par contre, ce qu'ils savent très bien, c'est insulter les grands savants comme les chouyouch, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Bani, Rahimullah, et tout en disant d'eux que ce sont des mécréants et des kuffars, parce qu'ils n'ont pas rejeté le tarout d'après eux, car le tarout pour eux, c'est le gouverneur qui ne juge pas avec l'islam, et en disant que tout le monde est kafir, sauf eux. Naam, dans cette salle, Ansar Tawhid, tout le monde est kafir. Et personne n'a le droit de parler à l'encontre de leur délil, sinon tu as le point rouge. Et tu entends la sentence pour que tu saches que tu es kafir, éternel à Jahannam, et que l'admin et ses acolytes, ce sont eux qui seront au paradis avec les prophètes et les véridiques et les martyrs et les pieux. Ce sont eux, les 7 et 8 qui sont dans la salle. Ce sont eux, ils seront avec les prophètes, les messagers, les véridiques et les martyrs en quoi au paradis. Nous tous, tout ce qu'on fait, tout ça dans la salle, tout ça s'est annulé, on va aller en enfer. Tayyib. En fait, je dis à la sœur, en fait, le tarout, ça vient du verbe tara, c'est-à-dire il a dépassé les limites. Donc, ça inclut le shaitan, le sorcier, l'arbre ou le rocher ou le soleil qu'on adore. Et aussi la personne qui est contre l'islam et rejette sa législation et j'en passe. Mais la différence entre Ahl-Sunnah et ses égarés, c'est que Ahl-Sunnah disent que celui qui ne juge pas avec l'islam se divise en trois sortes. Il est ou bien mécréant, ou bien injuste, ou bien pervers. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et c'est ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Mais les takfiriyoun n'aiment que le premier verset et cachent les deux derniers versets car ils sont contre eux. Naam, ils n'ont pas dit les deux troisièmes versets, ils n'ont pas dit kafir. Il a dit pervers, il a dit injuste. Et s'ils pouvaient, les takfiriyoun, s'ils pouvaient, ils les gommeraient du Coran. Ils vont gommer ces deux versets du Coran. Ça, naam, s'ils pouvaient, ils l'auraient fait. De toute façon, ma sœur, je ne te cache pas, chère sœur, que je commence à avoir peur pour toi et que, wallah, il y a des frères qui ont été touchés par le virus qui viennent me demander de les aider pour se soigner et guérir cette maladie contagieuse dans la aqida. Justement, subhanallah, dans mon dernier cours d'avant-hier, j'avais mis en garde des frères et des sœurs contre les salles des Khawarij. Et j'ai insisté particulièrement contre la salle Ansar Tawhid, qui malheureusement égare les nouveaux reconvertis. Mais, alhamdoulilah, personne ne continue avec eux et tout le monde finit par se sauver du salon. Car la nature elle-même, la fitra, n'accepte pas ce qu'ils disent. Enfin, voilà un lien où tu pourras savoir quels sont les salons à fréquenter et les salons à éviter. Et tu remarqueras que le salon Ansar Tawhid est l'un des salons les plus égarés et plus dangereux dans le Patok. Qu'Allah nous en préserve et préserve nos frères, nos sœurs et nos enfants de l'égarement. Et voilà bien sûr le lien que je lui ai donné pour qu'elle sache quelles sont les bonnes rhumes, et les mauvaises. Naam, c'est celui-là. Dawa Paltok, dans ce site, naam, chaque rhume qui est dans l'égarement, elle est citée. Même si elle change de nom à chaque fois, chaque nom qu'elle tire, qu'elle se donne, il est cité. Naam. Dans ce lien, mashallah, il y a tout. Et ce lien, vous le gardez chez vous. Naam. Oman, elle et les autres. Chacun garde ce lien dans un fichier. Quand tu trouves une sœur qui a des choubouhat, etc., tu lui dis, ma sœur, cette salle, ce salon est connu que c'est un salon d'égaré. Tu sais pas. Regarde. Rentre dans ce lien et vois toi-même. Tu lui donnes le lien. Elle va rentrer à l'intérieur. Quand elle va voir ça, sûrement qu'elle sera inchallah ta'ala, yani convaincue. T'as écrit l'autre, faites attention au sujet, délaissez les débats polémiques, comme ils sont là, occupez-vous d'apprendre la science dans la religion, de fider la sunna avec sagesse. Et par la bonne exhortation, si vous êtes parti d'un pays musulman, alors montrez les bons côtés d'islam, monsieur Kimon. Naam, jazakillahu khairan. On n'a pas le temps de parler avec ceux-là, déjà que ils ont le cœur scellé. Et ils n'acceptent rien de toi. Il faut que tu parles comme eux, tu penses comme eux, ou bien tu as un point rouge. Tu as un point rouge dans la salle et tu n'as pas le droit de parler. Naam. Tayyib, je disais enfin, voilà un lien. Naam. Une chose, une seconde, pardon. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, un lien. D'une sœur, voilà un lien d'une sœur, naam, qui s'appelle le lien Hanout al-Qalam, overblog.com, d'une sœur qui, inshallah ta'ala, vend des choses, yani, comme le musc, les savons, etc. Tout ce qui a rapport, yani, qui a, yani, rapport avec l'islam, naam, pour ceux et celles qui veulent, yani, acheter des choses, naam, peuvent acheter comme ça en direct, ou bien ils peuvent acheter en la contactant. Quand vous rentrerez, inshallah ta'ala, dans ce vous trouverez tout ce qu'il y a de nécessaire, yani, et les CD, les livres, etc. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, l'aide cette sœur à vendre ces choses, car elle est dans le besoin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous, hein, à vendre des choses qui, yani, ne sont pas à l'encontre de la charia. Aujourd'hui, mes sœurs et mes frères, mes filles et mes fils, comme vous me demandez des choses, c'est-à-dire de poser des questions, moi je voudrais vous demander une chose, c'est de ne pas répondre à vos questions, car ma tête me fait de plus en plus mal. Je dois, inshallah ta'ala, quitter. Inshallah ta'ala, vous m'excuserez et vous n'aurez rien dans le cœur contre moi, car si c'était possible, je l'aurais fait. Mais vraiment, j'ai mal. Naam, je vous donne, inshallah ta'ala. Salam alaikum. Une personne peut me demander de passer un message. Naam, Makan 11, passe le message s'il ne se contredit pas avec ma da'wa. Passe le message s'il ne se contredit pas avec ma da'wa. Passe. Naam, inshallah ta'ala, je vous donne rendez-vous vendredi. Jazakallahu khairan. Inshallah, vendredi vers minuit 30, 1h du matin chez vous. Minuit, 1h30. Naam. Abu Maryam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, ukht salafia, amin. Naam, je m'excuse de ne pas pouvoir continuer. Akh Makan, est-ce que tu as passé ton message? Naam, Makan, est-ce que tu as passé ton message? Je suis une sœur. Makan, la fois passée, j'ai dit Makan, tu es une sœur, tu m'as dit frère. Naam. Inch'Allah, tu n'as pas le dédoublement de la personne. Tu es une sœur et tu étais un frère. C'était mon mari. Alhamdoulilah. Naam, moi je croyais que c'était ton frère. Naam, makash mouchkil. Makan, est-ce que tu as passé ton message? Tu as dit j'ai un message à passer. Tayyib, j'enlève le point rouge à tout le monde. 5 minutes avant de quitter la salle. Ou sœur et frère de faire des doigts pour un frère qui est dans le coma. الله سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم نشفية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم نشفية Amin. Qasi, où est-ce que tu es? Qasi Salafi. Qasi. J'ai pas trouvé Qasi Salafi dans la liste. Amin ya Rabbi Alamin. Qasi Salafi, jazakallahu khayran. Laisse demain, inshallah ta'ala. Laisse demain. Je vais rentrer, jeter un coup d'œil. Et je prendrai, inshallah, ce que tu veux me dire dans le PV. Hein. Je. يعني سا امبير كوموندي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته